sur la transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale. Aujourd'hui, petite revue impromptue du FC Montréal de leurs premiers 10 matchs cette saison. Pour ce faire, je suis joint par Tristan Damour de Montreal Soccer et du Link Newspaper. Tristan, bonsoir, comment ça va ce soir? Salut Kevin, ça va bien? Ça va très bien, pas mal mieux sûrement que les joueurs du FC Montréal après la défaite aujourd'hui de 2-0 contre le Rhinos de Rochester à leur nouveau domicile du Centre Claude-Robillard. Un match qu'on s'attendait autre chose après la première victoire du FC Montréal sur la route la semaine dernière contre Richmond, une victoire à laquelle l'FC Montréal s'est battu, a réussi à maintenir l'avance avec un arrêt sur un pénalty de Maxime Crépeau. Cette semaine, Tristan, 2-0, mais ça aurait pu finir 4-0 pour Rochester si ce n'était pas d'un arrêt de Crépeau ou du manque de finition de Rochester. Mais un spectacle désolant, comme on dirait aujourd'hui. Oh, tout à fait, tout à fait. Mais premièrement, on a Christian Volesky, que j'aime appeler le Montreal Reaper, parce qu'à chaque fois qu'il se prend contre Montréal, à chaque fois qu'il se prend un but, c'est quasiment une tradition. Un autre but de Steven Dos Santos. Deux très bons attaquants pour Rochester, mais encore là, décevant. Et en fait, je dirais le mot est frustrant. Frustrant surtout pour une personne en particulier, et c'est l'entraîneur Philippe Lafroy. Comme vous allez entendre bientôt, parce qu'on va entendre Philippe Lafroy, excuse de te le scooper, Kevin, ah, ben, c'est un peu parti. Mais très frustré du manque d'effort. Et je pense que ça va être un... Surtout dans la partie où on va faire un résumé de match, le manque d'effort de cette équipe du FC Montréal aujourd'hui, flagrant. Flagrant sur beaucoup d'aspects. Il y avait aussi gros... Je voudrais dire beaucoup d'individualité dans un certain sens. Oh, peut-être... Pas juste dans un certain sens, pas dans tous les sens, je te dirais, au match aujourd'hui. Ouais, chaque joueur, 2, 3, 4 touches de balle de trop, on dirait que le syndrome de Nacho se propageait dans toute l'équipe du FC Montréal aujourd'hui. Ben, je te dirais que personne n'a vraiment voulu l'admettre au post-game quand on a posé les questions, mais je crois que le fait que tout le staff technique de l'équipe première de l'Impact de Montréal, donc on pense à tout le monde. En fait, le seul qu'on n'avait pas compté, Kevin, c'était Jason DiTullio. C'est le seul qu'on n'avait pas vu. Puis on s'est dit qu'il devait être là quelque part. Il était sûrement là quelque part, mais on ne l'a pas vu. Mais à part lui, de Simon Gatti à Jack Stern, qui sont normalement avec le FC Montréal, mais de Joey Saputo à Nick DeSantis, à passer par Mauro Biello, Adam Braz était là aujourd'hui. Wilfried Nancy, tout le higher brass de l'Impact de Montréal était là. Mais ils sont souvent présents aussi pour le FC Montréal. Et c'est ce que je trouve un peu surprenant, c'est qu'on les voit aux pratiques. Il y a beaucoup de joueurs du FC Montréal qui pratiquent avec la première équipe, sont dans la même site d'entraînement. Il y a des relations qui sont quotidiennes avec les personnes du grand club. Puis je suis surpris que... Parce que c'est vraiment ce qu'on voyait aujourd'hui. On aurait dit que chaque joueur voulait montrer leur capacité individuelle un peu pour convaincre quelqu'un ou quelque chose dans les estrades. Puis on oubliait de faire la passe à leurs 3 coéquipiers à côté d'eux qui étaient ouverts. Philippe va parler plus tard, comme tu parlais, du manque de course, du manque d'implication vers l'avant, mais ça partait avec chaque joueur qu'au lieu de penser à faire la passe, il pensait toujours à déjouer 2-3 joueurs en partant. Puis toute l'équipe, je ne veux pas enlever le crédit à personne, mais il n'y en a pas un qui essayait vraiment de faire des passes, à part à rendu à 65e minute, où ce qu'il y a un attissement de rentre, puis on peut changer les choses. Mais sinon, tous les joueurs essayaient de montrer leur capacité individuelle, un peu pour impressionner, on dirait, et non pour nécessairement avoir un résultat d'équipe. Dans le coin des spéculations, Kevin, il y a un match du championnat canadien sans Nacho Piatti qui sera pas au jeu pendant 2 à 3 semaines dû à une opération à la main gauche. Beaucoup des joueurs du FC Montréal qui ont un espèce de contention, qui peuvent peut-être se tailler une place avec l'Impact, avec l'équipe première, sont dans la position de Nacho Piatti, qui peut jouer soit en numéro 10, soit sur les ailes, dans une ligne à 3 d'un système à 4-2-3-1, comme on voit normalement. Il y a plusieurs options, hein? Quand on y pense justement à un Chouanière, Joly, Balot, Tabla, c'est des joueurs qui peuvent évoluer à cette position. Exactement. Donc, on a vu Chouanière mercredi dernier. Là, on a la nouvelle que Nacho ne jouera pas. Et, si je suis un Tabla, si je suis un Rigi, si je suis un Louis Bélanguillette sur un certain qui a joué un rôle offensif ce match-ci. Même Chouanière qui veut probablement retourner avec l'équipe pour jouer au Stade Saputo, c'est certain que il y a certains joueurs qui avaient un agenda sur ce match-ci. Est-ce que ça a affecté le groupe? Probablement. Est-ce que ça a affecté la mentalité de certains joueurs? Probablement. Est-ce que ça a affecté le résultat du match? Certainement. Certainement, je te dirais. Bon, justement, allons écouter Philippe Lafroy, suivi par Jean-Luc Charbonneau. Et on revient tout de suite à Sur la Transversale sur SPN Radio. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas emmerdé autant que ça. Une heure de non-soccer, de non-respect des principes, de non-respect des consignes, de non-respect du plan de match. Pas la moindre énergie positive, pas de prise d'initiative, pas de course. Pas faire l'effort, pas de courage. Je pense que quelquefois, les joueurs, les jeunes en particulier, oublient que le premier talent, c'est le courage et que le reste ne sert à rien sans ça. Donc ça donne quelque chose d'insipide pendant 60 minutes. Et heureusement que j'avais bien dormi la veille, sinon je pense que je me serais endormi à la mi-temps. Alors mes impressions sur le match. Tu trouves ça dommage qu'un match de ce style-là que tu viens d'écrire, ça se passe contre Rochester? Ouais, bon, Rochester, bien sûr que c'est toujours un petit peu plus symbolique, mais quel que soit le match que tu joues, on doit sentir que les mecs, ils jouent pour gagner et puis faire la décision et amener quelque chose. On a trop de joueurs qui se croient déjà arrivés. Et les jeunes, je pense qu'ils ne se rendent pas compte des efforts qu'ils doivent faire en permanence pour y arriver. Oui, c'est dur, mais ceux qui ne sont pas prêts à souffrir, il faut qu'ils fassent autre chose. Il faut qu'ils fassent autre chose, qu'ils aillent jouer à la PlayStation. C'est génial, tu es sur ton canapé, tu as un cocktail, tout va bien. Eh bien là, il faut souffrir un petit peu. Et si on souffrait un petit peu plus, cette équipe-là, je suis désolé, avec tout respect avec Rochester, on peut les battre. Le problème, c'est que si on ne veut pas faire d'efforts, qu'on joue Rochester, l'Université de Montréal ou whatever, on n'arrivera à rien. Et le problème, c'est qu'on n'arrivera à rien sur les résultats. Mais les jeunes, il n'y en a pas un qui passera chez les pros. Il y a tout le staff des pros dans les estrades. Ils vont dire quoi après un match comme ça? Ah, il n'y a rien. Ils ont raison. On s'emmerde. Ils ont raison. Alors on fait quoi? Soit ils se réveillent, puis on fait quelque chose d'autre, et ils ont peut-être une chance d'y arriver, soit c'est même pas la peine. Il ne faut pas qu'ils oublient une chose. En faisant les efforts, ils ont une petite chance d'y arriver. Une petite chance d'y arriver. S'ils ne font pas d'efforts, c'est même pas la peine qu'ils y pensent. Et je pense qu'ils ont du mal encore à trouver où est-ce qu'ils doivent mettre leurs efforts et leur énergie. Qu'on voit des joueurs avec des crampes au bout de 60 minutes, alors qu'on est en début de saison, il y a peut-être quelque chose au niveau de la préparation que le garçon ne fait peut-être pas bien. Alors j'espère que ça va être une prise de conscience pour eux, parce que ce qu'ils ont montré là, c'est même pas digne de la CSL où on jouait il y a 5 ans. Beaucoup de jeux individuels aujourd'hui. En plus, les quelques chances de FC Montréal sont venues au deuxième demi, mais il manque les idées de jeu étaient là, mais l'exécution n'était pas là. Votre impression là-dessus? Ça fait 10 matchs, puis je dirais plus que ça, qu'on leur dit que le soccer, ça se joue vers l'avant, mais pour jouer vers l'avant, il faut qu'il y ait des courses vers l'avant. Et pendant 60 minutes, il n'y a pas eu de course vers l'avant. À partir du moment où on fait rentrer un petit, comme Yacine Aït-Slimane, qui ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué, mais qui est obsédé par la profondeur, tout de suite, ça change la phase du match. Mais ça fait 10 matchs, on est au 10e match de la USL, ça fait 10 fois qu'à la mi-temps, on leur dit, les gars, ce serait peut-être bien de faire des courses vers l'avant. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur cet aspect des choses. Donc si à un moment donné, les joueurs ils sont pas conscients que c'est à tout le monde que ça s'adresse, on n'y arrive pas. Donc ce qui a changé sur les 25-30 dernières minutes, c'est que d'un seul coup, il y a eu des courses vers l'avant. D'un seul coup, il y a des possibilités d'aller dans les dernières 20 mètres. Parce qu'avant, moi j'assiste à un match de handball, c'est des passes latérales, latérales, latérales. Il n'y a rien, on en rate une et c'est situation de compte. But, 45e minute. Alors maintenant, s'il faut passer par là, apprendre pour progresser, oui. Mais quand on a été à la 10e match, puis c'est toujours les mêmes erreurs que le premier, à un moment donné, il faut surtout se poser la question si certains ont le potentiel d'aller plus haut. Est-ce qu'on se rapproche à une situation comme l'an dernier où quelque chose de similaire avait arrivé et puis il y avait un moment précis où tu avais vraiment mis une barrière sur le moment? Est-ce que c'est une situation comme ça aujourd'hui? Exactement. Moi, j'aimerais aussi revenir sur le match. On a vu une équipe qui était un peu scindée en deux dans le sens que chaque fois qu'on passait par l'avant, c'était tout le temps, on essayait tout le temps de faire l'exploit individuel. Toi qui es un fervent partisan du redoublement de passe, est-ce qu'il y a une consigne qui va être faite pour les prochains matchs pour remettre justement les passes vers l'avant? ben voilà, te passe vers l'avant, dit aussi après soutien. Quand il n'y a pas de passe vers l'avant, ben, il n'y a pas beaucoup de soutien. Quand il y a une course vers l'avant, ben, le mec est souvent isolé. Donc à un moment donné, ça ne passe pas non plus par une course. Ce qu'on a vu sur les 25 dernières minutes, c'est que d'un seul coup, on avait une, deux, trois courses vers l'avant avec des gens qui venaient en soutien. Et là, d'un seul coup, ça change la phase du match. Alors maintenant, est-ce qu'il faut attendre d'être mené 2-0 et 25 minutes pour commencer à se dire, tiens, je vais faire des choses pour gagner le match? Moi, pour moi, un compétiteur, c'est un gars qui, dès la première minute, a envie de gagner le match. Pas un compétiteur qui dit, ah, les 20 dernières, je vais peut-être faire un effort pour changer le cours du jeu. Donc, soit on est compétiteur, on est né avec ça, puis on veut gagner à tout moment. Soit on est comme ça, ou on est un petit peu timide, ou on joue pour avoir du fun. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils se font plaisir quand on voit la première heure du jeu. Est-ce que le fait de jouer devant le staff technique de l'Impact, de la première équipe, en fait, de l'Impact, ça force les joueurs à être, ça met les joueurs un peu, ça sort un peu les individualités, et puis dans le tout, ça rabaisse le niveau de l'équipe? C'est une bonne question, mais ce serait triste si c'était ça, parce que le regard des pros est un regard complaisant, tolérant. Ils sont là pour voir la progression, voir ce qu'il y a d'intéressant. Ils ne sont pas là pour juger en disant « t'as été bon et tu n'y arriveras pas ». Donc c'est pour eux des prises d'informations sur l'évolution, la progression des jeunes. Et en plus, ce sont des jeunes qui la plupart du temps côtoient les pros, s'entraînent avec les pros. Donc pour eux, ça devrait être, j'espère que c'est un environnement naturel. Alors on ne peut pas se plaindre, il y a quelques années, on disait « il n'y a jamais quelqu'un des pros qui vient voir les matchs ». Et puis maintenant, ils viennent et puis que ça les gêne. Moi, je ne pense pas que c'est une raison. J'espère pas. Si c'en est une, il y a un problème. C'est simplement le regard du staff des pros, les faits gelés. Ça va être compliqué quand ils vont jouer devant 45 000 au stade olympique ou ailleurs. Une dernière question. Vous allez partir sur la route maintenant. Est-ce que ça peut être bénéfique pour réagir? Oui, ça peut être bénéfique de regrouper un petit peu les esprits, d'être sur la même page, ça va permettre de travailler sur des points très très précis. Donc c'est sûr que ça peut être que bénéfique. Moi, ce qui m'embête, c'est que globalement, sur les 9 premiers matchs, on avait eu vraiment un non-match qui était à Wilmington, mais le reste avait quand même globalement été intéressant, malgré les résultats. Et là, c'est le deuxième match en 10 matchs où on est inexistant. Alors, on part sur la route, 4 matchs d'affilée en 2 semaines. Sans revenir, donc ça va être long, mais à nous de, voilà, on parlait de difficultés, de faire des efforts, de s'accrocher, de persévérer pour réussir, et ben ils vont être en plein dedans là, et si c'est pas ça qu'ils appliquent, et ben on va partir à 4 matchs et 4 défaites. Donc eux, ils ont, encore une fois, faut qu'ils comprennent que c'est un choix, c'est eux qui font le choix de faire les efforts, de s'appliquer, de bien se préparer, c'est pas nous, on leur explique ce qu'ils doivent faire, si, c'est un choix, tu veux être bon ou tu veux pas être bon, tu veux être médiocre ou tu veux pas être médiocre, mais après, entre eux, ils doivent aussi ne pas accepter la médiocrité de l'autre. Et quelquefois, ils sont un petit peu trop complaisants les uns envers les autres. Alors, nous, on va y être moins. Juste en anglais, Raphaël. Ouais, individuality today was the name of the game. What can the players do differently outside of just giving the ball to each other to play better as a team? Louis Belanglet, I think he's the guy that tried to put the things in order and then to play forward and to play clean and try to put to have a higher tempo in the game. It's the one that was consistent from the first minute till the end. After we made some changes that bring fresh energy and fresh legs like Aaron, the left back. I think he did some very good things and play forward and Yassid as well. So again, it's come back that individually you can be good, but if you're not playing as a team, you're not gonna go anywhere. So that's I think the best lesson to today. It's they play individually. They didn't play as a team. They didn't respect the game plan. And at the end, it was piece of nothing. Okay. So the last 30 minutes, they remember that the way they should play. And then all of a sudden, everything is a bit better, and then we have good chances to score. So they have to keep that in mind. It's just that when they want, is a team, it's a special thing, it's a special animal. And this animal is living and has life and has energy. If all the pieces of this animal are alive and bring their own energy, and it wasn't the case the first 60 minutes, and was the case the last 30. Vraiment, quel a été le discours du coach dans le vestiaire? Ben, honnêtement, ça n'a pas été bon. Ça nous a pris 55-60 minutes avant de commencer à jouer. Puis, C'est, on se prend deux buts sur peut-être des erreurs de concentration, mais après, on ne fait rien dans le jeu non plus pour marquer. C'est sûr qu'au final, oui, on se prend des buts, mais on ne se crée pas plus de chances pour en marquer. Comment expliques-tu ce contraste avec la semaine dernière et la première victoire de la saison? Honnêtement, je pourrais pas dire pour tout le monde qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on se dit « Ah, une victoire, c'est parti, on est parti, on est bien ». C'est rien une victoire en 8 matchs. On en a pris 8 défaites avant. Puis là, on se dit, une victoire, on peut faire ce qu'on veut. Ben, on l'a vu. Je pense que si on n'est pas concentré, on n'applique pas les principes, on n'applique pas le plan de match, ben, on s'en prend deux, puis on fait rien. On fait rien de sérieux. Personnellement, comment tu as trouvé ton match, surtout maintenant que tu as joué à la défense centrale, la deuxième fois que tu joues à cette position-là cette année? Je veux dire, comme le reste de l'équipe, là, je veux dire, le deuxième U, je considère que c'est de ma faute. Le gars, il arrive dans mon angle mort, je le vois pas, il passe devant, j'attaque pas le ballon. Donc, on se prend un but de plus à cause de moi, donc pas satisfait, non. Est-ce que tu trouves que de jouer devant le staff technique de la première équipe, c'est quelque chose qui est plus stressant pour les joueurs? Parce que c'est, dans un certain sens, ça fait chacun pour soi? C'est sûr que ça rajoute peut-être une pression, mais en même temps, au bout du compte, nous, on veut juste... on est là parce qu'on joue en USL, on joue dans un championnat professionnel. Il faut, oui, il y a la performance individuelle pour progresser, mais à la fin, il faut gagner des matchs. Sinon, ça sert à quoi d'évoluer dans un championnat qu'on n'est même pas capable de compétitionner? Donc, peut-être que ça rajoute la pression, mais au plus haut niveau, il va en avoir toujours plus de la pression. Donc, il faut être capable de dealer avec. Tu penses que le road trip qui arrive avec les matchs à l'extérieur va vous aider à retrouver la bonne recette pour... Ben, ça doit, on lui a pas le choix. Je veux dire, c'est 4 matchs qui vont être extrêmement difficiles sur la route, peu de temps de repos entre chaque. Ça va être important justement de retourner aux bases, de faire ce qu'on est capable de faire, puis de jouer au ballon, je veux dire, jouer au soccer, c'est ça. Puis... on n'a pas le choix. Je veux dire, l'année passée, ça nous a aidé. Un long voyage qu'on avait fait, on avait fait des bons résultats. Ça nous avait aidé pour la deuxième moitié de saison. Donc, on n'a pas le choix d'enchaîner les résultats sur ce voyage-là. Le vétéran de cette équipe-là, l'année passée, vous aviez un peu connu le même scénario. Qu'est-ce que ça prend pour relancer la machine? Je veux dire, comme j'ai dit, il faut retourner aux bases. C'est prendre un entraînement à la fois, un match à la fois, une passe à la fois, un contrôle à la fois, puis c'est de s'appliquer pour le faire bien. Puis qu'est-ce que moi je dois faire? C'est quoi mon rôle dans l'équipe en tant que joueur? Puis après, c'est juste collectivement d'avoir une cohésion qui va nous mener vers le succès, là, je veux dire. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu la confiance, quelque chose à voir avec votre spirale négative, en fait? Non, je pense qu'on le sait, on le voit, que ça nous en manque pas gros. Ben, mis à part le match qu'on vient de jouer, je veux dire, les matchs qu'on a perdus, on les perdait, on se prenait un but à la 90e, on se prend deux pénalties à la 85, à la 86. Je veux dire, on sait qu'on est capable de compétitionner dans ce championnat-là. Après, c'est d'en être convaincu. Puis après, c'est de jouer l'excès de confiance puis le manque de confiance. Je pense que peut-être aujourd'hui, on avait un excès de confiance justement parce qu'on a fait un bon résultat sur la route la semaine dernière. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir cet excès de confiance, loin de là. Non. On est dernier dans la Ligue, même pas juste dans la conférence, dans la Ligue. Donc, c'est sûr, faut être confiant pour pouvoir jouer comme on joue, mais il ne faut pas avoir un excès. Sur le plan personnel, tu as joué au centre encore, comme on l'a dit. Est-ce que tu es plus à l'aise au centre maintenant ou tu préférais retourner dans le cours? Ça, c'est pas à moi de le décider. Là, je joue au centre parce que l'équipe a besoin que je joue là. Puis si l'équipe a besoin que je joue là, je vais jouer à cette position avec plaisir. Je veux dire, c'est une autre façon de voir le jeu, mais je veux dire, c'est une période d'adaptation, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pas ma position naturelle, mais... je vais continuer de travailler pour pouvoir performer à ce niveau-là puis pouvoir aider l'équipe. Si c'est là que j'ai besoin de jouer, ben je vais jouer là. Dernière question, ça va? Merci, Jean. Et re-bienvenue à Sur la transversale. Merci au FC Montréal pour cette entrevue de Philippe Lafroy et de Jean-Luc Charbonneau. Et merci Tristan pour l'audio pour Jean-Luc Charbonneau. Plaisir. Alors, premièrement, commençons par Philippe Lafroy. Philippe n'était pas content. C'était la deuxième fois en 2 ans que je le vois faire ce genre de type de conférence de presse. Tu en as fait allusion durant la conférence de presse. C'est le moment, je pense, le moment avant et après de cette saison où ce que le coach a décidé de dire aux jeunes et à l'équipe. Je dis le mot « jeune » parce que c'est un mot que Philippe Lafroy utilise beaucoup lui-même en parlant de son équipe. Donc, je ne vais pas dire ça d'un côté négatif, mais c'est vraiment le top de l'Académie de l'Impact de Montréal, l'FC Montréal. Donc, les jeunes ils ont vraiment aujourd'hui vont se rappeler de sa journée pour probablement pas les bonnes raisons. Exactement, exactement. Un Philippe Lafroy, en fait, pour revenir à ce que tu disais sur mes propos, juste avant que Philippe, qu'on parle à Philippe, en fait, l'an dernier, il y a eu un match au Stade Saputo entre le FC Montréal et le Louisville City FC. Pour moi, ce match-là était la ligne. En fait, je me souviens, l'article que j'avais fait, le titre était « A line has been drawn ». Donc, pour moi, il y avait une ligne entre le FC Montréal d'avant le match contre Louisville et après le match contre Louisville. Pour moi, ce match-ci contre Rochester, c'est un Louisville. Et ce que j'avais dit, c'était « on va avoir un Louisville ». Pourquoi? Parce que Philippe Lafroy, après le match contre Louisville, nous avait sorti un post-game assez intéressant. Il avait été tranchant, poignant. Il avait été sec et il a dit ce qu'il avait à dire. Regardons ça comme c'était. Ouais. Il y avait des mots pas gentils. Des mots Il y avait des mots, donc j'ai dû censurer. Mais à part ça, c'était vraiment un exutoire un peu pour Philippe Lafroy aussi, même aujourd'hui. Exactement, exactement. Et il n'y avait pas autant de mots pas des mots qu'on peut pas répéter. Ouais, mais était mieux formulé aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait encore plus de contenu dans ce que Philippe voulait dire. Et c'était plus précis un peu comme déception. Il était vraiment déçu de l'individualité aujourd'hui. C'était vraiment, il comprend pas que ces joueurs, pendant 62 minutes, ont joué chacun pour soi, qui ont fait des choses qu'ils ne font pas en pratique, de ne pas utiliser l'espace, d'essayer toujours de battre un contre un, d'aller au duel lorsque physiquement, c'était quelque chose que le FC Montréal se devait ne pas faire. C'était vraiment bizarre aujourd'hui. Premièrement, les 60-20 minutes, là, c'était vraiment très désordonné. C'était une équipe totalement non digne d'être coachée par Philippe Lafroy habituellement. C'est l'inverse de ce que Philippe coach. Oui, ben moi, je retiens trois choses qu'il a dit qui sont très poignantes. Premièrement, la première chose qu'il avait dit, c'est je me souviens pas la dernière fois où j'avais eu autant de... Comment je pourrais dire ça? Où je me... Une chose qu'il avait bien dormi hier. Oui, une chose qu'il a bien dormi hier. Une autre chose, c'était cette performance n'était même pas digne de la CSL qui était un circuit semi-professionnel dans lequel l'Académie jouait il y a 5 ans. Qui est maintenant un circuit hors la loi, qu'on ne commencera même pas à parler de ça. Mais oui, la CSL jusqu'en 2011/2012 était une option très, très alléchante pour cette équipe. Oui, on n'ira pas là-dedans, non. Et troisième chose, un quote où il disait, c'est ils n'ont pas assez souffert. Et pour ceux qui n'ont pas... qui veulent pas souffrir, allez jouer à la PlayStation, assis sur votre canapé avec un cocktail. Ouais. Mais en ce moment, il faut souffrir un peu. Mais je pense que c'est une bonne introduction justement à parler du match aujourd'hui un peu. Le FC Montréal, toujours deuxième au duel. Rochester, dès la deuxième minute, a donné le ton au jeu. Avec j'appelle ça des plaqués parce que, carrément volontairement, des coups d'épaule au sternum. Un exemple, Alessandro Ruggi, la deuxième minute, Alessandro Ruggi tombe au sol, se relève, puis ouf, ça commencera. T'sais, c'était vraiment le ton était donné au milieu. C'est une bataille du milieu très physique. Rochester se faisait un plaisir de faire parce qu'en se faisant ça, ils utilisaient leur gabarit, leur avantage physique, ce qui est un des avantages que Rochester a contre le FC Montréal. Ce qui me fait penser quand on voit ça, est-ce que ça prendrait pour le FC Montréal, Tristan? Là, on est dans un an et demi dans l'évolution et dans le test USL de FC Montréal. Est-ce que maintenant, là, l'Académie, on voit ce qu'ils peuvent faire les jeunes? Ce serait temps de peut-être signer un vétéran de la USL ou même un Dine ASL qu'on amène en bas. Un de ces joueurs qu'on appelle les journeymen de la Ligue qui aident les bonnes équipes comme le Rhinos dans le milieu pour les résultats. Parce que oui, c'est bien beau, on veut le développement, on pense au futur, mais il faut quand même faire de l'espace pour que nos jeunes puissent se développer sur le terrain. Puis une match comme aujourd'hui nous montre que peut-être que maintenant, après un an et demi, il faudrait aller chercher un ou deux joueurs dans ce cas-là. Et vraiment, À la place de lancer l'option de peut-être un jour tu vas pouvoir aller avec l'Impact, mais en tant que FC Montréal, non. Signe-là avec l'intention de jouer dans, pour le FC Montréal. Tu vas être la personne pour protéger les joueurs sur le terrain. Puis la continuité de Philippe Lafroy avec un gros gabarit sur le terrain pour, je ne veux pas dire protéger les joueurs, mais c'est un peu ça, pour protéger leur temps qu'ils ont sur le ballon, au moins. En fait, il y a deux façons de voir ça, Kevin, la situation. Le propos que tu apportes, c'est des choses qui se voient. Honnêtement, on en parlait juste avant de d'enregistrer l'émission, que Orlando City B le font. C'est des choses, en amener un pour pouvoir calmer les autres. C'est un concept qui se voit. Personnellement, je pense que c'est pas la route que le FC Montréal va emprunter. Ils ont déjà établi, c'est clair pour Philippe, pour Simon Gatti, pour Jack Stern, un club qui est là pour prendre les jeunes et les amener à un autre niveau et faire jouer certains joueurs qui sont, comme là on a vu Cameron Porter, certains joueurs qui sont issus dans la première équipe, les faire jouer pour juste prendre des minutes. T'as vu Cameron Porter aujourd'hui? Moi, je l'ai vu son nom sur la feuille de match, mais je ne l'ai pas vu beaucoup, par exemple, sur le terrain. Mais on va en parler après. Quand le quatrième officiel a levé la chose pour le faire sortir, on l'a vu sortir. Ouais. Fait, ah, il est là! OK, il était là. C'est bon. Mais il y a une mauvaise histoire entre les attaquants qui descendent de l'Impact pour jouer avec le FC Montréal. Kenny Cooper. C'est rarement une combinaison gagnante. Tu te rappelles de Kenny Cooper l'année passée? Quand Kenny Cooper était descendu pour jouer avec le FC Montréal. Ah, c'était n'importe quoi. Le nombre de fois que j'ai vu Kenny Cooper s'enfarger dans le ballon avec le FC Montréal en 33 minutes, c'était impressionnant à voir ça l'année dernière. C'était un mauvais 45 minutes. Très mauvais en passant. Mais tout ça pour dire que je pense pas que l'équipe va spécifiquement aller chercher quelqu'un qui a plus de 30 ans ou même plus de 26-27. Parce que je crois que pour eux, ça serait sacrifier une position. Honnêtement, peut-être qu'il y a des profils qui pourraient aider, mais tant qu'à faire, je sais pas. Ça... Aller chercher un joueur entraîneur, je crois pas que c'est dans leurs intentions. Ouais, non, c'est sûr que quand tu le mets comme ça, joueur entraîneur, ça a une mauvaise connotation. Je veux pas avoir Reggie Dunlop dans la seconde, mais ce que je veux dire, c'est peut-être je vais te sortir un autre comme ça, mais tu sais, un Matt Fundy ou un joueur USL qui a du potentiel ou qu'on découvre, mais peut-être pas forcément aussi âgé, mais je parle pas non plus d'avoir un 6 pieds 8 dans le milieu, mais au moins quelque chose pour empêcher les situations comme aujourd'hui où ce que physiquement Rochester a décidé de jouer un style de jeu qui les avantageait. De faire des échanges de longues balles. Je ne me trompe pas, mané pendant environ 8 échanges de suite, c'était des longues balles d'un côté comme de l'autre. Puis je me disais, le FC Montréal n'est pas une équipe bâtie pour jouer la longue balle. C'est une équipe qui est bâtie pour jouer avec le ballon au sol, de faire des belles passes, de jouer vers l'avant. Il faut trouver un moyen de changer la situation lorsque l'équipe adverse décide de changer la manière dont le soccer se joue aujourd'hui. Et c'est un débat constant dans la USL où les équipes LS2, comme on dit, veulent essayer de jouer plus le ballon, mais les équipes USL qui sont stand-alone, les équipes comme Rochester, comme Richmond, comme Pittsburgh, ont un jeu qui est naturellement un peu plus physique parce qu'il y a plus à gagner pour ces équipes-là. Ils veulent aller chercher les résultats. Ils veulent absolument le résultat et ils ont un plan de match qui est spécifiquement fait pour le FC Montréal. On les a vus. C'est pour les amateurs de football. Ah. Là, allez voir les highlights parce que allez voir les faits saillants. Il y a des plaqués là-dedans qui sont très, très. Vous ne serez pas déçus. C'est le genre de. Ils ont mis 2-3 sur Luigi de la 2e à la 20e minute, de le sortir totalement de son match. Ils l'ont tellement sorti de son match qu'il jouait tellement tout seul. Puis c'est un joueur qui n'est pas habituellement individuel à ce côté-ci. Il trouve un moyen d'impliquer ses coéquipiers et de prendre des joueurs à côté de lui meilleurs. Mais un match comme aujourd'hui. Le Rhinos avait Bob Lilley et Rochester Rhinos avaient un plan de match dédié. On va frapper les joueurs au début du match, on va les sortir de leur match, on va leur faire réaliser que, regarde, ça ne sera pas facile aujourd'hui. Puis c'est ce qu'on a vu sur le terrain. C'est une équipe que physiquement, les 45 premières minutes, les Rhinos ont décidé de jouer physique et de dominer les guerres de tranchées, surtout au milieu. Exactement. Mais la USL, c'est, c'est moi personnellement, c'est ce que j'aime de la USL dans un sens où c'est c'est devenu un passage obligé pour les joueurs de l'Académie de l'Impact. Si tu ne réussis pas avec le FC Montréal, il n'y a pas de chance que tu fasses l'Impact Montréal. D'abord, c'est le filtre. Le FC Montréal, c'est un peu le exactement. Filtre. Exactement. Et si pallier avec l'aspect physique de la USL, bon, c'est sûr qu'il y a l'aspect physique de la USL et l'aspect physique de la MLS, c'est un petit peu différent. Mais si tu n'es quand même pas capable de pallier avec cet aspect physique-là, bonne chance à MLS, mon grand. Oui, exactement. Si tu n'es pas capable de trouver le moyen de tirer avantage du jeu, comme on dit en USL, comment tu veux, même si ton talent va être plus respecté en haut, si tu n'es pas capable de tirer l'épingle du jeu en bas, il y a des fortes chances qu'on ne donne jamais la chance de le faire en haut. Exactement. Bon. Puis, je vais utiliser un exemple, parce que c'est l'exemple canadien, je pense, qui est le plus grand succès dans les trois dernières années en développement. Oui, il y a Carl Lahren, mais Carl Lahren, c'est un peu universitaire mélangé avec Sigma, l'académie privée de la région de Toronto. Je vais parler de Mo Babouli avec le Toronto FC, qui a la chance de jouer présentement à cause de la blessure à Altidore. Puis ils l'ont trouvé maintenant, c'est peut-être sur un 10, fait qu'il va pouvoir jouer à cause de la blessure de Jovenko. Mais Mo Babouli qui a commencé en Ligue 1 à l'Ontario, il y a 3 ans, tranquillement a monté jusqu'au TFC2. Après TFC2, il a signé un contrat pro, puis tranquillement il s'est fait jouer. Mais il a réussi à prendre l'avantage du jeu, même si physiquement c'est pas les plus gros. Il fait penser beaucoup à un Rigi. Si Rigi n'était pas blessé, peut-être qu'on aurait la même histoire à Montréal cet hiver. Mais Mo Babouli a réussi à trouver les 2-3 touches par match qui vont réussir à rendre son jeu un peu meilleur, qui vont le réussir à le rendre effectif, que je pourrais dire en anglais, et qui va le rendre plus précis dans ses passes, qui réussit maintenant à créer. Si on regarde le match contre Montréal, mercredi, il y a eu 2 passes, Paboli. Mais c'était tous les joueurs canadiens qui ont marqué. Mais Toronto FC est obligé de le faire jouer, est obligé de lui donner une opportunité parce qu'il n'aura pas laissé le choix. Il n'y a pas de joueur de FC Montréal qui fait ça présentement, qui ne laisse pas le choix au Philippe Lafroy de dire au coach Biello, regarde là, il y en a un qui brûle tellement mon équipe là, qu'il faudrait que tu le vois. On voit pas ça qui se passe présentement, puis je vois même pas aucun joueur qui se démarque assez présentement pour qu'on voit cette année quelque chose comme ça arriver. T'as raison Kevin. Honnêtement, j'aimerais dire l'inverse, mais en ce moment, avec une équipe qui est 1-9, c'est vraiment difficile. Honnêtement, premièrement, bravo à Mo Babouli, c'est ça que la MLS va apporter. C'est ça, l'Ontario, puis la pile, d'avoir des joueurs qui montent tranquillement, il est vers le filtre, puis il dit, moi, c'est ça, moi, tu me fais jouer, ou sinon, tu vas le regretter. Puis c'est ça, Rigi, cette année, c'est l'année de Rigi. Il faut que Rigi fasse exactement ce que Mo Babouli essaie de faire avec Toronto. Il faut qu'il prouve-moi, Philippe Lafoy, que tu veux pas me jouer. Pourquoi? Trouve-moi des raisons. Parce que moi, en ce moment, je t'en donne pas. C'est ça. C'est ça qui... En ce moment, bon, le collectif, est-ce que le collectif est fait pour qu'un gars comme Rigi ait beaucoup de talent? Moi, personnellement, au début de la saison, j'avais dit que oui. Parce que, selon moi, le groupe du FC Montréal cette année est meilleur que le groupe du FC Montréal l'an dernier. Mais ça, avec les années, puis avec les vagues de Cooper, parce qu'on va probablement en avoir une cette année aussi, ou une vague de Cooper, avec une équipe qui est 1-9, je suis sûr que Philippe Lafroy... Et le reste de l'académie va sûrement dire, bon, OK, toi... En fait, je pense pas que ça va être dès demain. Je pense qu'il va y avoir des ultimatums dès demain, mais les Cooper, probablement peut-être encore un petit bout de temps. D'après moi, ça va être le speech qu'il y a eu dans le vestiaire cet après-midi, c'est un gros warning pour certains joueurs. Je veux pas mettre des mots dans la bouche à Philippe Lafroy puis du coach technique, aucunement, mais selon moi, un peu, ce que le message dans le vestiaire aurait dû être, si ce n'a pas été vraiment le cas, c'est regarde, on est rendu au point, est-ce que prouvez-moi que vous méritez d'être ici ou je vais en prendre d'autres qui méritent d'être ici? Là. Exactement. C'est carrément exactement. Rendu au point que, regarde, puis moi, je suis un peu déçu, je n'aimerais même pas de nom. Mais à la fin du match, j'ai vu des joueurs qui étaient contents, qui au retour vers le vestiaire, qui arrêtaient, j'en sais que la famille, qui sont venus voir les matchs. À un moment donné, il faut faire la délimitation. Là. Regarde, là, c'est peut-être à la maison, tu connais peut-être le monde des estrades, mais t'es rendu à une équipe pro. Il faut agir à un moment donné 100% comment un pro agit aussi dans tous les aspects du jeu. Philippe a parlé de la préparation peut-être de certains garçons qui font pas tout ce qu'ils devraient faire dans leur propre temps pour arriver en forme et performer 90 minutes sans avoir des crampes après 60. Ça, c'est quelque chose qui, chacun dans leur temps personnel, soit met pas assez de temps comme ça, ou soit qu'aime trop avoir le titre de joueur professionnel de soccer et pas assez le faire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit des fois aussi. Mais moi, quand je pense à un joueur de FC Montréal dans son temps libre, selon moi, il y a toujours un ballon au pied, puis il est dans son sous-sol en train d'essayer de faire des buts. Selon moi, c'est la détermination, puis c'est le focus que chaque joueur devrait avoir. Est-ce qu'il y a des joueurs de FC Montréal qui l'ont présentement? Selon moi, il y a Reggie, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, rester s'entraîner plus tard, arriver plus tôt, des choses comme ça. Est-ce que toute l'équipe a? Est-ce que tous les joueurs l'ont? Je sais pas, puis je pense que c'est quelque chose à un moment donné qui est très important aussi. La différence entre le joueur qui va signer pro puis qui va devenir pas juste un joueur qui a signé puis qui va être sur le banc pour le reste de sa vie en MLS, peut-être faire 3-4 apparitions. Non. Pour devenir un joueur en MLS, là, on parle plus comme le 5 ans à NSL. Là. Pour devenir un joueur qui va avoir une carrière en MLS, faut faire comme André Lefebvre puis Maxime Tissot. Ils ont travaillé fort pour arriver où ce qu'ils sont, puis le step est encore très élevé entre FC Montréal puis l'Impact. Pour réussir à graduer ce step-là, il faut que tu aies la discipline d'entraînement personnel en dehors de ton temps. C'est juste ça que tu fais, c'est juste ça que tu penses, c'est juste ça que tu manges. Puis en dehors de Reggie, je ne sais pas s'il y a un joueur qui est là, Tristan. Il y a deux joueurs qu'on a vus, et tu vas pouvoir me le confirmer. Il y a deux semaines, quand on a vu le match contre New York, Reggie qui s'entraînait après le match. Je sais qu'il n'a pas joué énormément de minutes, mais c'est ça. Il travaillait. C'est exactement ça. Tu as beau avoir le talent. C'est beau le talent. Il faut que tu le développes, ton talent. Comment tu le développes, ton talent? C'est en travaillant. Un autre que j'ai beaucoup aimé, même s'il n'y a pas eu un très bon match aujourd'hui, tu me le diras, je dis le nom souvent, mais pour moi, c'est Jeannot Charbonneau. Charbonneau qui n'a pas joué un bon match. C'est le cœur de la défense, c'est le cœur de l'équipe. C'est que si Jean-Luc Charbonneau a un bon match, FC Montréal a le plus de chances de gagner. Il sort du terrain. Premièrement, il a joué toutes les minutes. Jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas, il a joué toutes les minutes en USL cette année. Mais il sort du terrain aujourd'hui et ne regarde pas personne. Il se sent... il se sent quasiment honteux. Tu sais, c'est le genre de choses que... désolé. Désolé les fans pour avoir vu ce match-là. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on voudrait vous apporter. Mais c'est ce qu'on veut voir, right? C'est ce qu'on veut voir d'un joueur. C'est ce que chaque fan, en tant que fan d'une équipe, puis qui est un peu inquiet de voir son équipe 1-9, c'est un peu ce qu'on veut voir. C'est le joueur qui est déçu après une autre défaite et non comme « Ah, ben merci d'être venu, puis ah, c'était belle fun, on va s'en prendre la prochaine fois. » Non, je veux voir de la colère, je veux voir le gars fâché, je veux voir qu'il regarde à terre quand il marche, puis justement, comme tu dis, qu'il se sent pas bien, parce que c'est un peu comme ça qu'il devrait se sentir aussi. Mm-hmm. Juste un quote ici. Je crois qu'on a eu un excès de confiance après le résultat qu'on a eu la semaine dernière, mais je crois pas qu'on a le droit d'avoir cet excès de confiance-là. Loin de là. On est dernier dans la Ligue. Pas juste dans notre conférence. Dans la Ligue. Pour moi, je trouve que ça, c'est... si lui avait un excès de confiance, il vient de réaliser que c'était pas ça pantoute qu'il fallait. Là. Pourtant, tu sais, c'est une victoire qu'ils ont eue sur la route, que même là, cette victoire-là, ils l'ont eue à cause qu'ils n'ont pas la semaine été chanceux, mais Crépeau a bloqué le penalty à la fin et ils ont été capables de sortir avec la victoire, à l'arracher un peu. C'était pas des performances de Crépeau dans les buts, ça aurait été autre chose. Puis les arbitres ont quasiment coûté le match à FC Montréal, leur première victoire. Donc, aucunement mérité leur excès de confiance, si tel était le cas. Puis j'espère qu'aujourd'hui, ils sont de retour sur terre, parce que avec une performance comme ça de 2-0, mais le résultat indique pas vraiment l'allure du match, parce que entre toi et moi, Tristan, Volosky a failli scorer un autre but, puis Forbes a manqué un chip, que je sais pas pourquoi il a essayé de faire un chip, il aurait dû toucher au ballon, prendre du temps, puis faire une frappe dans un filet à moitié désert. Mais non, ça répète 4-0 très facilement, ce match. Kevin, si on veut un vétéran, moi, je fais une grosse suggestion Volesky. Pour signer Christian Volesky. Il marquera plus contre nous autres, tabarouette. Ouais, pour faire un petit parallèle au hockey, c'est un peu comme quand le Canadien avait signé Eric Cole. T'as fini de marquer contre nous les séries, toi. Exactement. Là, tu ne marqueras plus contre nous autres. All right, Adam Brass, si t'écoutes, va chercher Volesky, puis Malik l'FC Montréal. Premièrement, de toute façon, ils ont besoin d'un attaquant. Donc, Puis si vous avez vu un peu les équipements, puis l'autobus, des Rhinos, ils ont peut-être besoin d'argent aussi. Donc, il y a peut-être moyen de faire un deal à quelque part. Là. Il doit avoir moyen de moyenner certains, certainement. Tristan, pour finir l'émission aujourd'hui, on disait un peu une revue du FC Montréal. 1 et 9. Qu'est-ce qui est différent en 2016 avec le résultat du FC Montréal après 10 matchs? Parce que oui, l'année dernière, il y avait quelques résultats, mais sur 10 matchs, c'était similaire quand même. Il y avait plus qu'une victoire, mais en tout et partout, si on regarde les résultats des matchs du FC Montréal, au-dessus de 7 parties qui sont finies avec la différence moins d'un but. Donc, c'est quoi le bilan que tu fais du FC Montréal après 10 matchs et qu'est-ce que tu remettrais en question? Parce que, veux pas, 1-9, il faut remettre au moins une chose en question. Sinon, quelqu'un quelque part qui fait pas son travail. Mais qu'est-ce que tu penses du FC Montréal en 2016? Moi, au début de la saison, je pensais que le FC Montréal allait se sortir de la torpeur. Je pensais qu'il allait avoir un certain... c'est sûr que c'est difficile quand t'es jeune. Mais je pensais que ça allait être plus facile de se sortir du trou que ce qu'on voit en ce moment. Moi, je pensais qu'il y avait plus de talent dans ce groupe-ci que l'an dernier, comme j'avais dit plus tôt dans l'émission. Je le crois encore, mais je pense que un certain excès de confiance, à savoir, bon, Tabla, il se fait regarder par Chelsea, il a joué avec Marcus Rashford avec le Canada, ils ont gagné. Ils ont battu. C'est ça, ils ont battu. Il a marqué contre eux. Donc, tu sais, quand on avait vu le match contre Toronto FC2, il avait marqué, là on s'est dit, ah bon, ok, ils ont perdu le match, mais là, ça s'en vient. Et après un autre match, ils ont gagné, ils ont perdu, pas par beaucoup, on s'entend. T'sais, les matchs sont restés quand même jouables, à part un match à Wilmington où ça a vraiment pas été bien. Mais Philippe, il en a parlé 3 fois de ce match cette année dans les conférences de presse après-match, en disant que c'était le seul match, à part aujourd'hui, qui ont un match sans, qu'il dit. Mais, exactement. Ouais. Mais donc, à chaque fois, on se disait « Ah, ils vont gagner le prochain! Ah, ils vont gagner le prochain! Ah, ils vont gagner le prochain! » Mais le prochain, c'est qu'un moment donné, toi, c'est là la similarité ou que je retiens des deux. À chaque fois qu'ils perdaient, il y avait toujours un... Ah, mais oui, mais si on regarde le côté positif de ci, ah, si on regarde le côté positif de ça, et c'est quand, et je reviens à ce fameux match de Louisville, c'est quand ils se sont dit, oh, il y a vraiment un problème, là, ça marche pas, là. Ça marche pas, et il n'y avait pas de, mais oui, ouais. Mais si on regarde ci, si on regarde ça, à un moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises, bon, j'ai des trucs à arranger. Et là, je crois que c'est là. Je crois que personnellement, cette année, ça a pris un peu plus de temps que l'an passé pour que ça fonctionne. Mais une fois que ça, c'est déjà... Une fois que tu établis ce point-là, t'es déjà dans une meilleure position. Et avec le talent qu'il y a là, honnêtement, je vois... Il y a certains... Kevin, on a vu le match. On a vu beaucoup de matchs du FC Montréal. Il y a certains joueurs qu'on se dit... Honnêtement, si c'était d'un peu plus d'efforts, d'un peu plus de travail, puis je dis pas qu'ils travaillent pas, là. On les voit pas sur une base régulière, mais il y en a quelques-uns qu'on se dit, bon, d'après moi, ils vont se tailler une place. C'est pas juste des pieds de céleri. C'est pas des pieds de céleri. Non, exactement. Mais moi, un peu, ce que je trouve dommage, on dirait que les... Tu sais, on parle tout le temps du développement, puis de la victoire. C'est peut-être pas le but ultime du FC Montréal, c'était pas de gagner des championnats toujours, puis de toujours se qualifier pour les séries, mais c'est le développement, on parle du développement. À un moment donné, ça, c'est bien beau, puis on est d'accord là-dessus. Mais faudrait pas que les joueurs le savent. Faudrait pas qu'ils soient au courant, les joueurs. Puis malheureusement, ils sont tous au courant que c'est pour le développement. Fait que, je veux pas, pas une certaine complaisance, mais « Ah, ben on a encore perdu, mais c'est pas grave, on s'améliore, puis c'est correct qu'on est là pour ça. » À un moment donné, il faut que ça vienne plus méchant. Je pense que c'est un peu ça la différence. Il n'aurait jamais fallu que leur dire aux joueurs que c'était le développement qui était important. Pour eux autres, il faut qu'ils jouent pour gagner, mais c'est l'encadrement qui était vraiment important pour le développement. Puis c'est ce qu'on voit de Philippe Lafroy. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas que les joueurs le savent. Parce que un peu sur le terrain, des fois, le troisième, quatrième effort, ah, c'est pas grave, c'est pour me développer. Pourquoi j'essaierais de faire le mouvement qui va me blesser? Ou le moment qui va... Pourquoi je prendrais un risque? Parce que je vais me faire exposer, puis là, après... T'sais, c'est un peu ça, des fois, je pense, qui traîne dans leur esprit. T'as raison, mais c'est un peu un play on words, dans un sens. Leur objectif, c'est de gagner, mais la différence entre le FC Montréal, qui a un objectif de gagner, et une équipe comme Rochester ou comme n'importe quelle autre équipe qui sont pas affiliées avec une équipe de MLS qui veulent gagner, c'est que une équipe stand-alone qui veulent gagner, s'ils sentent qu'ils ont un, un, un certain... Il manque tel joueur à telle position, ils vont aller chercher tel joueur avec telle position. L'objectif du FC Montréal, c'est de gagner, mais avec leurs joueurs. Donc, s'ils ont un problème avec une position, ben, ils vont travailler avec le joueur à cette position-là. Ils vont pas essayer d'aller chercher un Christian Volesky, mettons. Ils vont pas aller chercher ça parce qu'ils savent que first, ça sert à rien parce que Christian Volesky jouera jamais avec l'Impact. Ouais. C'est ça la différence. Est-ce que ça peut mener à la perte du FC Montréal? Je pense que c'est déjà un donnant-donnant. De dire que le FC Montréal gagnera probablement pas la USL. Il y a certaines générations dorées, comme on a vu LA Galaxy 2 l'année passée, ouais, se rendre jusqu'en finale. Est-ce que ça peut arriver, ça va peut-être arriver dans un futur plus ou moins rapproché du FC Montréal? S'il y a une génération dorée et que les joueurs du FC Montréal qui gagnent la USL pour un certain... Pour dire, c'est sûr qu'ils vont se ramasser avec l'Impact. C'est possible qu'ils gagnent si on a une génération qui est incroyable. Mais ça reste que c'est la deuxième année. C'est encore un truc qui est très malléable. Tu peux dire, ah, c'est déjà très nouveau, là. Ils viennent juste d'enlever le papier sur la boîte. Ouais. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais c'est ça. C'est eux autres qui payent pour la génération d'après de dire, bon, on sait ça, notre équipe va être meilleure avec le plus en plus que notre académie va être meilleure. Bon, là, après 10 matchs, le FC Montréal, ça va faire 4 matchs sur la route sans revenir à Montréal. Un peu un bonding process, c'est un peu un moment où les joueurs vont devenir encore plus proches. S'il y avait des joueurs qui ne s'aiment pas, ben ça va finir, ils vont avoir des chicanes, après ils vont repartir à nouveau. C'est là que ça se passe, c'est ces 4 matchs-là. Puis je pense qu'avec les commentaires d'après-match qu'on a eu, avec l'attitude de certains joueurs, autant positive que négative après-match, je pense qu'il va arriver des choses dans ce voyage de 4 matchs. Je pense que le blanc des yeux va se faire parler et les vraies choses vont sortir entre les joueurs et je pense qu'ils sont peut-être rendus là un peu aussi. La manière que Philippe parlait, entre eux, ils sont peut-être pas assez sévères aussi. Tu sais, quand tu t'entraînes et tu vois que le gars à côté de toi mais prend ce relax, mais c'est un peu dans ta job à toi en tant que de coéquipier de dire « Hey, le grand, ah ouais, non, tu es plus fort, là. C'est pas juste pour moi, là, c'est pas juste pour toi, c'est pour l'équipe. Come on. » Puis je pense que dans un voyage de 4 matchs, peut-être ce sentiment-là va ressortir un peu. Ça va être le rôle des leaders. Je pense à des Louis Bélan-Goyette, je pense à des Alessandro Riggi, je pense à des Jean-Luc Charbonneau, je pense à des Maxime Crépeau s'il fait le voyage. Ça, là, c'est à vous. Si tu veux être un leader, si tu veux accéder à l'équipe première de l'Impact, puis être un leader avec l'Impact pour dans un futur à moyen et long terme, commence à être un leader ici. Si tu fais ta marque, c'est certain que le staff technique de l'Impact ça va aller à leurs oreilles. C'est certain. C'est certain. Et c'est comme ça. Ils n'ont pas l'opportunité d'avoir un joueur de 32, 33, 34, 35 ans pour leur dire ça. Ben, premièrement, prouve-les en travaillant. Après ça, propage le message. C'est comme ça que ça va se passer. De quoi tu t'attends de résultat pour ces 4 matchs pour terminer aujourd'hui sur la transversale, Tristan? 4 matchs sur la route, 4 matchs à l'extérieur. Est-ce qu'on doit s'attendre à 4 défaites? Est-ce qu'on se doit de demander mieux du FC Montréal durant ce voyage? Yeah. C'est la question à 8 millions de dollars. C'est difficile. C'est difficile. Premier gros test à Cincinnati devant une grosse, grosse foule. Ils ont brisé le record 3 fois cette année maintenant, 25 500 pour un match de la USL. Oui, 25 500. Oui, plus que dans le stade de Saputo. Oui, c'est ce qu'ils ont eu à Cincinnati en USL jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais dire, s'ils vont chercher un ou deux matchs nuls sur la route, je serais content. Je serais content. L'idée, c'est de passer le plus de temps ensemble, parce que c'est quand même 3 semaines qu'ils vont passer ensemble. Que ces 3 semaines-là soient passées à travailler. C'est ça qu'il faut. Il faut revenir de ce road trip-là grandi. Et si ça veut dire une autre victoire, Tant mieux, mais ça risque d'être difficile. Tout le monde sait que ça va être difficile. Grosse équipe à prévoir. Mais honnêtement, peu importe, un road trip, ça fait toujours du bien pour une équipe qui est en difficulté. Exactement. Les matchs sont télédiffusés sur YouTube, sur le réseau de la USL sur YouTube. Vous pouvez voir tous les matchs en direct et les matchs sont disponibles aussi sur demande après le fait. Donc, si vous n'êtes pas capable d'écouter le match de FC Montréal en direct, vous pouvez les écouter sur demande. Ceux en Montréal sont faits à la description par Joel Fury de TSN Radio et de Sofiane Benzaza. Bonne fête, Sofiane. Donc, vous pouvez les écouter sur le YouTube. Ils sont disponibles aussi sur la page de l'Impact de Montréal. Tristan Lamour, merci beaucoup de nous avoir joints ce soir. Plaisir, Kevin. Vous pouvez joindre Tristan sur Twitter, à commercial Tristan Lamour. Vous pouvez lire Tristan aussi sur The Link Newspaper, l'éditeur sport du Link Newspaper, et aussi sur Mount Royal Soccer. Et jusqu'à la prochaine fois, ici sur la transversale, dans une semaine et demie, on revient avec une émission qui va parler de l'Euro ici sur la transversale. Et jusqu'à là, ben, bon soccer.